29 avril 2009. Hein? Ben voyons. Hey, c'est une émission qui a déjà été diffusée. Non, non, non, non, non. Ben, attendez, vous avez dit le 29 avril 2009. Oui. Ben, Georgette, est-ce qu'on est en 2009? Ben, selon moi, là, si je regarde, est-ce que c'est le calendrier Maillet? Maillet. 2009, c'est Maillet? C'est Maillet. Ben, en quelle année vous voulez amener votre propos? Ben, en 2009. Ben, on n'est pas en 2009, là, on est en 2011. 2009, disons, 2011? 2000, non, 9? Non, non, 11, 2011. 2011! Oh! Alors, 29 avril 2011. Pourquoi vous avez dit 2009? 2009, j'en ai aucune idée, là. Attendez, est-ce que je peux amener mon esprit focusé dans mon intérieur profond, mon jardin secret? Est-ce que ça risque d'être long? Non. Si je plonge, j'y arriverai rapidement. Ben, plongez, mon cher monsieur Grenier. Gagné. Plongez. 2009-2011. Ah, je le sais pourquoi! 9-2009, hein? 2009-2009. Ah, ça, c'est pas 2011. Ça, le 11, j'aurais peut-être dit 2011, mais là, le 9-2009, c'est... Ouais, mais c'est pas le 9, c'est le 29. Ben oui, mais le 29-2009, c'est plus... ça amène, c'est plus propice à dire 2009, hein? 29-2009, et non pas 29-2011. Ouais, on comprend pas. Ben... OK, rapidement, là. Si je vous dis 2009... Oui? Vous avez quelles apparitions? Quelles apparitions? Attendez, là. Georgette! 2009! Parce qu'elle est morte en 2009. 2000, elle s'appelle Georgette! Elle répond pas. L'esprit de Georgette! L'esprit de Georgette! L'esprit de Georgette, elle avait la gorgée, elle. Ah, mon, peut enlever ça. Georgette, là, je veux pas non plus. Regarde, son corps est disparu. Il est en cendres et nous le saluons. Nous versons quelques larmes, histoire de le rafraîchir un peu. Hein. C'est sec de la cendre, hein? On dit qu'on est cendre et on deviendra cassandre. Cassandre. Non, non, on deviendra cassandre. C'est pas cassandre, on deviendra cendre. Cendre. Ça ne tente plus, moi, de dire ça, là. Mais non, vous avez une très belle vision. Ben oui, cendre, on devient cendre, oui. Ben alors donc, Georges Sand, ah ben là, ça n'a rien à voir avec ça, là. Georges Sand, c'est une autre histoire intellectuelle, et vous voulez parler de Georgette. Ah ben ouais, Georgette 2009, Georges, allonge-moi ça. Puis là, ben c'est ça, je sais pas si quand c'est en poudre, ça là, l'âme devient-elle en poudre? Premièrement, faut croire à ça, c'est l'âme, là. L'âme, ben oui, l'âme. Tu sais, on dit, ah, l'âme de poète, ben oui, mais ça... Ça, c'est sa pensée, la pensée, oui. Alors donc, je vois que tu ne penses pas. Non, moi, je réfléchis. Ça fait exactement... Pouvez-vous expliciter votre réflexion? Oui, mais c'est ça, nous tentons d'expliciter, là. Et puis, si vous voulez vous reculer du micro et me laisser un peu de place, une tribune radiophonique. Ah, ben là, exagère pas, toi, là. Quand on donne une tribune, qu'est-ce que tu prends? Je prends la dune. Et au bout de la dune, je ne vois que la prunelle de tes yeux, ma belle chérie, mon adolâtre petite créature de rêve. Oh, que de rêve, loin des cauchemars, lorsqu'un soir je me dis, y a-t-il un mouchoir? Histoire d'éponger toute ma volupté qui se ramasse au creux de ta beauté. Hey, c'est beau, ça. Alors, 29 avril 2011, Georgette, entends-nous, car c'est à toi que cette émission doit répondre. Et si tu veux te manifester, tu as presque 2 heures pour nous arriver. Hey! L'inspiration de Georgette. Georgette! Georgette! Elle arrivera. Elle arrivera. We'll be right back.

Et ça, c'est un accident. Les gens, les auditeurs, auditrices, les membres, les non-membres, les membres et non-membres, vont saisir toute cette contemplation du mouchoir. Ben voyons, là, tu vois un peu loin, là, j'ai dit, tu t'es bouché sur le micro, contemplation du mouchoir. Oui, ça commence déjà par un arrêt sur la pensée, la psyché. Oh, monsieur! Et par la suite, vous reculez du sujet pour mieux comprendre ce qui se passe autour. Et là, ça dépend de qu'est-ce que tu parles, parce que même si tu te recules, là, si c'est le néant qui est devant toi, là, autour, c'est toujours le néant. C'est un peu complexe d'essayer d'interagir avec le néant, puisque c'est rien. Monsieur Landry? Oui. Monsieur Landry? Le néant, oui. Le néant, oui. Le néant, c'est quelque chose d'assez abstrait. Quoique. Pourquoi vous avez dit quoique? Ben, ça me tentait parce qu'il me semblait que quoique m'amenait un peu plus d'intelligence. Ben là, faut pas aller chercher ce que vous avez pas, mon cher monsieur. Ben là, vous me traitez d'idiot. Non. Non, d'imbécile. Oh, OK. Idiot, imbécile, c'est pas la même chose. Ben, ça fait pas... Je veux expliciter votre réflexion. Ben là, on est en train de parler de néant. Là. Il y a des gens, et je n'inclus pas les Néandertals ou les... Ou les néants, les néants en quelques mois d'avance sur les autres, donc 10 mois plus tard, 11 mois plus tard. Moi, là, en tant que presque humain, oui, puisque j'ai des gants. Oh, presque humain, j'ai des gants. Ah, oh, des gants, des moufles. Oh, mon doux. On aime ça, les moufles. Oui, merci. Est-ce que vous les trouvez jolies? Ben, elle est... Si jolie que je ne vous aimais. Elle était trop jolie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la caraquette. Oh. Elle était si jolie. Elle tourne pas dans le sens de la musique. Ben, elle a déjà de la difficulté à nous entendre. M'entendez-vous, madame May? Oui? Alors donc, pouvez-vous tourner dans le sens de... Dans le sens du poudrier? Oui, dans le sens du poudrier. Il était. Aujourd'hui, on confond tout, hein. Il est, c'est ça. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était trop jolie quand le vent... Ils m'ont laissé dans la machine. Pardon? Il y a quelqu'un? Oui, oui. Vous êtes à... Je suis plus qu'un petit numéro dans la numérisation totale. Oui. Alors... Mais... Non, c'est pas vrai, hein? Non, vous êtes à Errance Rénaldiel. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut continuer ou... C'est quand même assez étrange, là. Qu'est-ce qui se passe? On doit démonter le micro, alors on coupe... est-ce qu'on place une chanson ou... Excite-toi pas trop, là. On sait pas qu'est-ce que c'est. Premièrement, est-ce que c'est une voix réelle? Ben, voyons donc. J'ai entendu, je suis pas tout seul, là. S'il y a des auditeurs, écrivez-moi à Renat que t'écrirais. Hey, pas ceux qui vont prendre l'ordinateur, qui vont ouvrir leur navigateur, qui vont entrer hotmail.com, puis qui vont cliquer sur destinataire, qui vont placer sur destinataire Renal Québec à commercial hotmail.com. Crois-tu qu'ils vont t'écrire? Non, c'est pas ça. Oui, c'est exactement ça. T'es mêlé toi-même. Ben oui, mais là, j'ai entendu des voix. Ben c'est ça. Là, c'est pour ça qu'on aimerait que nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, on la fera pas deux fois, celle-là. Il y a 3 semaines, on a coupé. Hein? T'as-tu senti la censure? Ben, on l'a pas senti, on l'a coupé. Ah, mort, c'est vrai. Ça... Est-ce que ça a fait comme une saute, comme on dit au cinéma, dans les films de Monsieur Godard, là, on dit, il y a des sautes. Ouais, ben, en d'autres mots, là, si on prend l'utilisation en anglo-saxonne, non, pas d'anglo-saxon. Premièrement, on n'a pas de saxon ici. Hein? Pouit, pouit, il n'y a pas de saxon. Pouit, pouit, y a-t-il un saxon dans la salle? Ben, Madame Tremblay, oui, avez-vous votre saxon? Non. Eh non, on m'a dit qu'à cette émission-là, le saxon, on s'en saxait. Oh oui, on s'en saxe éperdument. Parce que on veut pas d'anglicisation. On est déjà sans le vouloir. Là. Notre mental est menteur. Vous le savez, hein? J'espère que vous le saviez et que vous le savez que on vous compte des menteries continuellement et vous les recrachez quotidiennement sans le savoir. Mais voyons donc, madame. Bon, Monsieur Tremblay, vous êtes. Je suis d'emblée, Monsieur Tremblay. Bon, alors d'emblée, mais c'est très bon, hein? On dit que pour la régularisation, pour le quelque chose de. Ben, de. Oh non, on parle pas de ça. Ben oui, le blé, c'est très bon. Ouais, mais le blé brun. Qui est brun reste brun. Bon, c'est pas qui est bien châti bien aussi. Bon, alors donc. On parlait de quoi? Non, oui, le micro, le monsieur est dans... Ben, premièrement, sais-tu si c'était un monsieur? Arrête de dire premièrement. La semaine dernière, j'ai trouvé ça tellement difficile pour l'oreille. Je me disais, tu te répètes, mon Rénal. Ah, je me suis dit ça pendant au moins 2 semaines en me berçant. La semaine dernière, là, ça fait 2 semaines que je me... Ben ouais, mais si la semaine dernière, ça fait juste 1 semaine... Non. 2 semaines, là, ça, la semaine dernière, mais ça fait 2 semaines, parce que moi, mon temps est plus ralenti que le vôtre. Oh, ça va avec ton cerveau? Oui, moi, j'ai le cerveau. En plus d'être séché, j'ai dit de placer ma colle à dentier avant le dentier. Elle me place le dentier, puis la colle après. Imagine, j'ai tout le palais collé, puis le dentier est tout à fait, il y a un terme en anglais, je le sais, je le dirai pas. Il est instable. Oui, mais slack. Non, instable. Slack. L'instable. Slack le slack, toi, là. J'ai pas dit slack, j'ai dit mou. Hein? Non, c'est pas mou, c'est instable au niveau buccal. Là, on veut pas savoir tes prouesses sexuelles. Mais... Non, je parlais pas. Madame Tremblay, je parlais pas de... Pouvez-vous expliciter votre réflexion? Non, on peut pas aller plus loin. C'est bien beau, c'est très beau, là. Ben beau, ça dépend, là. Quand tu mets la prothèse et la colle après... Quand tu te places la langue dans la colle, qu'est-ce que ça fait? Moi, je dis que ça se fixe. Oui, la langue se fixe. Heureusement qu'elle est poreuse. Poreuse. Elle n'est pas peureuse parce qu'elle s'y installe, mais elle s'y désinstalle aussi rapidement. Eh, monsieur. Es-tu en train de nous raconter l'histoire de ta colle? Oh mon dieu! Écoutez les histoires de ma colle. Oui. Hey, mais est-ce que la vaporation, ça demande quand même une étude? Il y a des chimistes, il y a des étudiants à l'université qui écoutent CKRL. Des intellectuels, y en a-tu à CKRL? Il y en a toujours. Bon. Alors donc, si vous êtes chimiste ou je sais pas, biologiste, c'est bien plus intéressant biologiste, mais chimiste aussi, voyons donc, la chimie de la colle. Oh ouais, c'est vrai. Mais la biologie, ben oui, ça n'a rien à voir la biologie et la chimie. Quoique, hey, tu dis n'importe quoi, là. Moi, étant un ancien imbécile qui a quand même recalé 3 fois sa variation en imbécilité parce qu'on m'a mis sous-imbécile, sous-imbécile, puis à la fin, j'étais sous-SAUL imbécile, puis je rampais, je léchais la moquette, puis mon Dieu, il y a le pape qui n'a rien à voir avec le pape. Le pape, c'est moi qui ai montré comment embrasser le sol. Il savait pas comment faire, lui-là. Là. Il faut que je t'explique rapidement ce qui s'est passé. Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II. Jean-Paul II, ben, moi, entre moi et lui, c'était Jean-Paul II. Là, devant le pauvre monde, c'était Jean-Paul II. Ah, le pape. Ah, mais ça, moi, on jouait aux cartes, puis ah ouais, donc, on jouait au Toulouse. On jouait un jeu assez bizarre avec des sous en dessous de la. En dessous du trou de. On se lançait, c'était des scènes noires. Ben, à force, elles étaient blanches, mais elles sortaient. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Et puis, donc, j'étais avec Jean-Paul Tau. Ça passera pas, cela, là. Tu crois qu'il y a de l'ascenseur? Il y a l'ascenseur qui monte puis qui descend. Ils vont dire, il racontera pas l'histoire qu'il jouait au trou de pète avec Jean-Paul II. Eh oui, ben en fait, on jouait aux cartes, on se divertissait, tu sais, après 2 ou 3 célébrations, le pape en avait ras le pompon, hein, ras le pompon du pape, donc, avec moi, ben, je lui ai appris, après l'avoir vu une première fois, embrasser ça. Je disais, monsieur, genre, ben, hey, Tipol, parce qu'on s'appelait, hein. Je disais, hey, Tipol, ça a pas d'allure, là. Quand on te regarde à la télévision, on dirait que tu tombes par en avant. C'est pas ça que tu dois faire. Tu fais une, là, ben, je vous apprends quelque chose, là. Demain, dans tous les quotidiens, vous entendrez ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre moi et Jean Poulteau. JP. Pas JP, mais Popol. Alors donc, je disais à Popol, mon Popol, parce que ça dépendait, là, quand on avait pris 3-4 coupes d'air, on avait fait des petites messes, là, j'ai pas dit de la messe, mais des petites messes, puis là, on avait du plaisir, là, on jouait au trou de piton, on mettait de l'argent, puis là, je disais, je t'ai vu hier, là, t'étais pas en train d'embrasser, on dirait que tu tombais par terre, toi, là, il faut s'incliner avec dignité. Tout est dans cette façon de faire, dans cette un certain dandisme. Alors, je sais que t'as une belle robe, là. Eh, hey, c'est blanc immaculé, toi, là. Tu devrais demander à Mme Thibault, là, de lâcher le blanc puis de te mettre un peu de couleur, là. Je sais pas, bleu, blanc, rouge ou vert, avec un drapeau du Québec, là. Ça serait bon, là. Tu pourrais dire, vivre Québec libre! Ah, ça ferait. Il y en a un autre qui a dit ça, puis il s'est fait rapatrier. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, moi, je te conseille fortement, tu t'inclines, hein, une génuflexion très, très, très lente, un peu comme un film de Stanley Kubrick. Imagine-toi, mon JP, mon Popol, t'es-tu dans les trans? Non, c'est que là, je suis en train d'expliquer. Jean Poulteau, mon ami, alors, imagine-toi un film de Kubrick. Full Metal Jacket. C'est pas n'importe quel film, là. Il n'en a pas fait beaucoup, là, Stanley Kubrick. Là. Tu chercheras pas dans toutes les dicos du monde entier, puis même si tu le fais, tu vas arriver rapidement sur ce film-là. Full Metal Jacket. Il n'y a pas de titre en anglais, en français, en vietnamien. C'est la même chose. C'est mondial. C'est Full Metal Jacket. Jacket. Oh, t'as un beau jacket. Merci. Alors, dans ce film-là, tous les gens qui se font buter, qui se font tuer, descendent au ralenti. Alors moi, je te conseille de regarder certaines séquences. J'en ai trouvé quelques-unes pour toi, mon papa. T'auras pas, j'ose pas dire JP parce qu'il y a une prostituée qui m'appelle JP et ça me fait suer. Alors donc, ça, c'est une autre histoire. Vous voulez dire pourquoi elle m'appelle JP si mon nom, c'est Rénal? Et tous les gens qui m'ont fait quelque chose dans mon établissement pour que je puisse réagir et les regarder, je leur mentionne que je m'appelle Jean-Pierre. Alors, lorsqu'ils rentrent et qu'ils me disent « Hey, salut Jean-Pierre », je dois les avoir à l'œil. Les autres qui me disent « Salut Rénal », je les regarde plus, je peux continuer à faire mon rapport. Ça, c'est un petit truc là pour les novices, pour les petits trous de beigne, les gens qui s'imaginent tout savoir et qui savent rien. C'est normal, vous êtes jeunes, on vous aime. Et puis donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, non, moi, je sais pas. Ben, on est jeunes, moi, là, hey, j'ai 33 balais. Bon, puis que là, des balais, ben, j'ai des beaux balais, moi. On m'avait dit que j'avais le plus beau balai de la ville. Ah, ben, là, c'est sa bardouche. Les balayeurs balayés. Ben, Jeep! Jean Poulteau, Popol. Alors donc, tu fais comme un film de Kubrick, hein, formateur. Tu t'effondres, tu tombes, mais au ralenti, de la verticale en descendant, et non pas l'horizontale, parce que là, les gens vont dire il ne se sent pas très bien. Alors, tu fais ça tranquillement, OK? Et tu avances les mains vers le devant, OK? Un peu comme la girafe. Je sais pas si tu as exploré, mon papa, la girafe de Sibérie. Ce qu'elle fait pour atteindre, parce que c'est un coup de même, là, c'est impardonnable, là. Ça me fait penser à Gertrude. Gertrude, là, elle me fait, vous savez que les sous-marins, là, quand ils élèvent la lucarne pour observer en haut, là, ça vient d'Hitler. Okay? C'est pour ça que le panoramique au cinéma a été inventé, là. C'est en se basant sur, malheureusement, les sous-marins d'Hitler. Et puis, donc, c'est ça. Alors, donc, le coup est grand, hein? Tu te penches légèrement vers le devant en amenant les mains avant. Et sur une girafe, c'est pas les mains, c'est les pattes. Et ensuite, tu embrasses. Mais là, pas à peu près, là. Tu t'imagines un film avec Nicole Kidman. On va rester avec Kubrick. Les yeux grands fermés. Et là, tu frenches, là, mon gars. Tu sors la langue. Tu t'imagines que c'est Sophie Marceau ou toute n'importe quelle belle française ou belge ou suisse ou québécoise. Là. Et tu le sors la langue. Tu le tournes par terre. Là. C'est merveilleux. Les gens en veulent davantage. C'est... Mais bon, c'est trop, c'est déjà beaucoup trois fois dans une petite vie, ça laisse quand même des cicatrices parce qu'on ne fait pas du théâtre pour s'arrêter. Mais en même temps, j'ai fait tellement de choses et avec des gens formidables, des metteurs en scène qui étaient extrêmement talentueux, inventifs, passionnés de théâtre. Donc, à la limite, trois fois en quelques années, c'est pas grave. Au cinéma, lorsqu'on accepte un rôle et qu'on se rend compte que c'était plus ou moins ce qu'on s'imaginait, à quel endroit ça foire? Souvent, ça arrive quand on regarde le film. Oui, mais quel endroit, si vous avez joué, puis vous disiez « c'est mon... » Non, c'est pas forcément les acteurs. C'est un film, c'est, au théâtre, il y a un metteur en scène, oui, et qui donne une unité au spectacle, et qui donne son envie, son goût et tout, etc. Mais malgré tout, on est seul sur scène à jouer et qu'on peut le gérer ensemble de vive voix dans un dialogue. là. Quoique. Mais le pire de tout, je suis content. Oh! Je sais combien pour de temps. Oh! Qui se touche dans son tour de romance. L'année des autres, c'est pas élevé. Pourtant, je chante une chanson. Charlotte, elle est au lycée demain. Alors, Charlotte a ses devoirs à faire. No way, babies. Non, mais je vais vous balancer un poème, mais qui est pas dégueu. Pas dégueu. Ta gueule. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu le secousses, il mousse. C'est classe, hein? Classieuse. T'es pas fini, pas fini. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un Mickey Mouse. Un gourdin dans sa mousse. Et quand tu le secousses, il mousse. C'est un Mickey Mouse. De 4 pieds 6 pouces. Quoique. Qui fiche aux blondes. D'ailleurs, aux rousses. La frousse. J'ai un Mickey Mouse. Un gourdin dans sa mousse. Et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse. Une paire de pamplemousses. En avant, toutes et tous, je pousse! My lady héroïne, oh ma beauté, ma divine, referme sur moi tes ailes, mon bel ange, ma toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine, en douceur, mon sucré candy, emmène-moi au paradis. Parti. Ça ira en semaine à bien. J'espère que vous passez des bons moments. Oh, on y va? Okay. Oh, my lady héroïne. Oh, ma beauté, ma divine. Toi, mon amour platonique. Mon bébé, ma fille unique. Oh, my lady héroïne. Que Justine, tous les malheurs de ta vertu et tous ces bonheurs me tuent. Ça me tue. Tu le sais ou tu ne l'as pas? Oh my lady héroïne, dans ta beauté je devine. Me transperce tous les charmes de la Perse. Oh ma lady héroïne, mon opium, ma cocaïne. Es-tu venu d'Extrême-Orient ou bien d'un marché persan? Devine, quand ton regard me transperce tous les charmes de la Perse. Oh my lady héroïne, mon opium, ma cocaïne. Es-tu venu d'Extrême-Orient ou bien d'un marché persan? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'elle disait donc? Ben, elle ne disait que ça. Ben voyons, non, c'est une grande écrivaine, elle avait autre chose à dire que ça, oui. Oui, mais l'essentiel est dans ses œuvres. Hein. Il faut la lire, il faut la relire et la délire. Oh, délirez-la! Non, c'est délivrez-la. Non, délirez-la, c'est-à-dire délirez avec elle et essayez d'extirper, de retirer, de chercher ou de succionner le jus qui vous correspond. Et monsieur, le jus qui nous correspond... elle avait juste à écrire clairement. Voyons! L'écrivain amène des petites amorces. Tu sais ce que c'est que des amorces? Ah ben oui, ça sert à se brancher sur quelque chose, histoire d'exploser, ou ça doit amener un accessoire plus grand à s'élever ou oui amorcer on commence par ça et ça oui et ça s'explose, ça s'érige encore vers des plus grands sentiers, des plus glorieuses structures qui ben c'est ça. Alors donc voilà, je crois sincèrement que madame chose là, c'est pas Madame Chose, c'est Madame Wolf. Madame Wolf, Wolf, John Wolf, Madame Wolf, Wolf. Non, c'est Virginia. Virginia. Hey, quel beau nom, Virginia. Oh, Virginia. Oh, Virginia. Oh, Virginia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ça va-tu? Oui, ça va très bien, merci. L'absurde aventure de l'errance. Non, mais ça donne des... Virginia, Virginia. Wolf. L'absurde aventure de l'errance. Ça se vend pas, ça, là, là. J'espère que tu feras pas d'introduction au livre de Virginia avec ça. Ben, non, elle me l'autorisera jamais. Non, jamais. Non, surtout que ça serait difficile pour elle. Ah ben, c'est une grande timide. Non, c'est une grande décédée. Une décédée? Une décédée du démon. Oh, mon... Que tous les démoniaques prient pour elle. Ah, ouais, ouais, c'est... Oui, oui, oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, ouji, ma, ya, tu, du, ah, ya, du, du, du, pousse, la, mana, mille, moule, mille, mille, cherche la tribu et trouve le café, ah, mon ami, la, j'ose, la, ah, ouais, ose, oui, le bois, dors, mon public, dors, mon public, dors, dors, c'est plus froid que froid, demande à Christian Lacroix. C'est froid parce que du Christian Dior, c'est fort, mais c'est froid. Oui, monsieur. L'absurde aventure, ça va bien, ça va très bien. Madame Tremblay m'a dit que j'étais bon pour au moins 15 minutes d'existence encore. Ouais, mais là, 15 minutes, là, ça va te faire... est-ce qu'on peut rajouter 18 minutes? Ah, 18 minutes d'existence, je sais pas. Est-ce que je peux lui demander? Oui. Madame Chose? Oui, Madame Chose? Oui, est-ce que je peux? Oui, vous pouvez. Bon, OK, c'est adjugé. Elle m'a dit que je pouvais, mais vous avez demandé... Vous n'y avez même pas demandé combien de temps? Mais elle m'a dit adjugé. C'est peut-être pour la vie éternelle. Attendez, je vais lui rappeler. Madame, oui! Est-ce que c'est pour la... Oui! Bon, elle m'a dit que c'est pour la Wii. Mais non, ça, c'est un jeu vidéo, la Wii. Mais non, oui! Connaissez-vous les jeux vidéo? Non! Bon, voilà. Alors, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Vous êtes jaloux, hein? Parce que je suis éternel actuellement, hein? Puis vous, vous êtes... vous ne l'êtes pas. Mais je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Je suis un humain. Ouais, pour être humain, là, vous êtes humain. Mettez-moi ces gants que je ne peux claquer. Oh, mon Dieu. Alors donc, l'absurde aventure de l'errance... Bon, entendu? Oui. Je suis tombé au fond du micro, là. Pardon. OK, ça revient. Oui. Attendez. Sortez-moi de là, bon Dieu, mais... Ben, l'émission est terminée, moi je suis resté dedans. Mais, il y a quelqu'un là? Oui, monsieur. Oh. Monsieur. Oh. Monsieur. Mais là, pourquoi t'as mis de l'écho? Il a eu peur. Il est plus. Il a pas dit écho, il a dit micro. Ah, moi je me mêle avec les terminaisons. Cro, velcro, acro, meno, moino, tipino, limino, ramino, stato, toupidoudouta, lustuto, wamedoudoularitoudi, yamoulucidu. Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il va faire dans le micro? Êtes-vous encore dans le micro? Il répond pas. Êtes-vous encore dans le micro? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas dans le micro. Moi, je te le dis que oui, mais il est trop gêné. Attendez, on va chercher. Là, le public va nous entendre. Mais oui, mais là, il y a quelqu'un dans le micro. Il faudra le chercher. Dans le micro? Attends, c'est l'anarchie totale. C'est l'incompréhension excessive. C'est quelque chose qui se terminera. Mais c'est la fin. On sent que j'ai de la suette au bout du rouleau. Puis j'ai la tempête au bout de la tempo. Oh, mon Dieu, l'abri est à mort. Mais allô? Arrête de dire ça. Puis, ouais, mais on cherche quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un dans le micro? Ça, c'est quoi ce micro-là? Ce micro-là, c'est un... Cher. Hey, monsieur, arrête de dire ça. Un cher SM58. Est-ce que quelqu'un peut être dans MC58? Est-ce qu'il y a des techniciens? Premièrement, on va visser visse-moi le condom. Ouais, amène, tire le condom. Attends un peu, là. Il y a un problème. Y a-tu le condom? Le condom est-il bien mis, là? Est-ce que ça va déraper? On n'enlève pas de condom, nous autres! On fait pas la guerre, on fait l'amour! OK, on enlève le condom, on fait l'amour! Ah! L'absurde, mais c'est pas ça le problème, là. C'est le condom, le conduit, mais ça, c'est le sure! Êtes-vous sure qu'il peut être à l'intérieur? J'ai entendu des phrases, moi, là, des mots, je sais pas si c'est... Avez-vous explicité votre réflexion? Ben, on explicite, mais il veut pas répondre, il est coincé dans le... dans le micro. Il va mourir. On va appeler l'ambulance. Appelez l'urgence. On n'appelle pas l'urgence. C'est des incompétences. Des incompétences, on les aime. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 29 avril 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous cette semaine autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons-le sous les projecteurs pendant quelques errances rénaldiennes. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite à quatre reprises avec Yves Boisset. Les années 90 est une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet. Il marque un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne un inquiétant boucher. Comment? Il incarne un inquiétant boucher. Bon, bouchon le boucher. Boucher le bouchon. Dans La Cité des enfants perdus, en 1994, la présente est pour vous dire, Mme Tremblay, que monsieur est coincé dans le micro. Ben là, on l'a pas entendu. Ben non, il est trop rainy, vous savez. M'entends-tu? Oui! Hey, attendez! Je suis tombé dans au fond du micro, là. Oui, monsieur! Monsieur, restez pas dans le micro, montez le long du micro. Avez-vous entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, je veux pas collaborer à ta déficience rénale. Mais c'est pas une déficience rénale, c'est le monsieur qui est coincé dans le micro. Ben oui. On connaît ça, nous autres, des coincés, là. Il y a il y a toutes les bourgeoises qui sont coincées. Toutes les, vous savez, les pseudo-comédiennes, les pseudo... les pseudo-chanteuses, les pseudo-artistes qui se pompent la perlure et qui se font prendre en photo en disant « Ah, je suis quelqu'une. Ah, je suis quelqueuse. Ah, je suis quelqu'asse. » Quelle case es-tu? Tu es décasé, ma chère. Oh, de quelle montagne ai-je monté? Sur laquelle vais-je redescendre? Oh, mon doux, la laideur a quelque chose de supérieur à la beauté. C'est qu'elle dure. Alors donc, les années 90, c'est une... C'est quoi, ça? C'est sublirénal. Comme on les aime. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière, on vous l'a dit. Les années 90, c'est une double collaboration avec... le cinéaste Jean-Pierre Jeunet et marque un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne... Tu voulais dire 91? Oui, il y a tellement de cons en 91 qu'il ne faut pas tous les nommer, car on risque de passer toute l'émission là-dessus. Alors, 91, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des enfants perdus en 94, on le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenant à ses premières amours travesties, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre dans Jean-Pierre dans le Mardi à Monoprix de M. Emmanuel Darley. Jean-Claude Dreyfus se démontre encore une fois l'éventail de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à milieu de lui. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice. Mais ça, c'est déjà commencé depuis presque une heure. Ben oui, merci, mais on a comme tout décalé. On savait pas où on s'en allait. Il y a quelqu'un qui est coincé dans le bougeau. Dans le bougeau et Billica. Messieurs, mademoiselle, madame, monsieur, les épouses, les époux, l'époux, l'épouse, les loups, laissons la chance aux chansons. Et la montée improvisatrice, ben c'est maintenant que ça se passe là. On va tenter le tout pour le trou. Now you're the cream. cinéma, on peut le faire aussi, mais on n'est pas maître de tout. Ni de la technique, ni de l'après. Quand on fait trois prises, bon, ben, on ne sait pas laquelle il va prendre, le montage qu'il va faire. Donc moi, il m'est arrivé d'être dans un film où on était très content. On avait une super histoire, un scénario magnifique. On s'amusait beaucoup. C'était vraiment baroque, fou. Et puis à l'arrivée, c'était minable. Donc voilà, quand ça arrive, et on s'en rend compte que... Pendant la projection. Que pendant, oui, on peut se douter que ça dépend aussi. Parfois, on s'en rend compte parce qu'il y a manque de moyens. Mais enfin, en même temps, il y a des films qui sont faits à l'arrache. Je viens de terminer un film, alors on a terminé il y a quoi, 2-3 mois déjà, qui a été fait vraiment à l'arrache. Mais d'une façon tellement belle et professionnelle, c'est un film qu'a fait Jacques Richard, sur un scénario de lui-même, de Jacques Richard et de Roland Topor. Je vais vous dire le titre du film. Ça va sortir sûrement. Pour l'instant, non, c'est pour le cinéma. Et il va sortir, il m'a envoyé un petit mot il y a 2-3 jours, me disant qu'il allait trouver un circuit de distribution. Ça va être un circuit un peu intimiste, mais ça s'appelle l'Orpheline avec en plus un bras en moins. Je vais vous le redire. L'Orpheline avec en plus un bras en moins. Et c'est un film qui a été fait, il y a Dominique Pinon, il y a Caroline Loeb, il y a Melvin Poupeau, il y a plein de gens dans ce film, et qu'on a fait vraiment, vraiment à l'arrache. Et le film, je l'ai vu, c'est un super film. Ce qui ne veut pas dire que parce que s'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas faire un bon cinéma. C'est quand la production, quand il y a, même si parfois il y a de l'argent, et la production est rate, c'est-à-dire un peu rapia et ne donne pas le temps aux choses de se faire, là parfois on ne fait pas un très bon film. Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et ça, quand t'es sérieux de même, ça veut dire que t'es en retard. En retard. T'es en retard mental. Non, en retard, c'est la temporalité... radiophonique. Pourquoi tu dis ça avec de l'écho? Mais parce que j'ai de l'écho dans l'esprit. Oh! Lorsque l'écho revient à nous, le trépas nous reste là. Oh! Là, sur le sol. Sur le sol de l'égido de l'étudi. Et ce soir, là, parce que mon émission est... Et comme ça, là, c'est pas vraiment la journée que je la fais, que vous entendez maintenant ce qui en suit, là. C'est Serge Lama qui est à Québec pour un spectacle. Et j'aimerais faire mon grand... Pas encore, hein, oui. J'aimerais faire le grand succès de Serge Lama. Le chameau! Non, pas le chameau, le lama. Le lama, OK. Le derrière, le derrière, l'érélérélérama. Oh, oh, non, c'est télérama. Oh, le télérélérélérama. Alors, je vais faire le télérélérama et non pas les glycines, là. Serge Lama, lorsqu'il fait la gueule, puis il a fait son succès quand même sur sa... sur... son passé, son côté souffrotant. Sur le mur, il y avait des glycines. Sur le mur, il y avait des glycines. Toi, tu portais un tablier bleu. Toi, tu portais un tablier. Toujours dans les bassines. Toujours dans les bassines. Toi, tu portais un tablier bleu. Toi, tu portais un tablier. C'est pour l'amour, pour papa. C'est pas mal, moi, c'est pas mal. Là, c'est « Ah, d'aventure, dans d'aventure, de temps en temps, de pause en porte, encore je te le jure, j'ai plus oublié ton corps. » Là, il fait comme Julio Iglesias, il se passe la main partout sur la poitrine, « Ah, d'aventure. » Puis là, avec son marché particulier, bandal, dambal, bandé, bandal, bandé, bandou, bandit, bandou, la boîte bandou, non mais bancal, bancal. Il arrive sur scène. Je n'ai jamais eu de vacances quand j'étais gosse dans mon quartier. J'ai souffert, moi, les putains, là. Hein? Vous payez, mais j'ai souffert, hein. J'ai jamais eu de marade, de marade de Cendrillon. Il m'a lu le marquis de Sade. Je n'ai plus jamais eu des divans. J'ai bien bu. Et voilà ce que j'ai voulu. Et puis à la fin, hein, la grande chanson que tout le monde attend. « Hey, j'espère qu'il va chanter, t'es un malade! » C'est pas « Hey, Gertrude, c'est pas t'es un malade, c'est « Je suis mental! » Oh non, non, c'est « Hey, la marmelade! » »« La marmelade me monte au nez! » Ben non, c'est la moutarde qui lui monte au nez. C'est pas à Serge Lama, ça, c'est à Pierre Richard. « T'es toute mêlée, ma belle Blanchard! » Non, mais c'est... Je ne rêve plus, je cherche plus, je ne rêve plus d'histoire. Je suis les endroits, je suis les endroits. Je suis comme un orphelin, je suis dans un endroit. Je vois que je suis seul, complètement seul, et ça me fait mal. Je suis malade. Là, avec l'orchestre, pas d'orchestre, a cappella, ça va être là, de là, d'une aventure, d'une aventure, de temps en temps, de port en port. Encore jamais, je te le jure, j'ai plus oublié ton corps, mais d'aventure, Juliette, une Françoise ou Simon, quel que soit le nom. Bon, tous les grands succès de... C'est pas Serge Lama, ça? Non, ça, c'est Serge Lama. Oh oui, tu es là-bas, Serge Lama! Où es-tu, Serge Lama? Je suis là-bas! Là-bas dans le noir! Oh, attends! Laisse-moi te regarder, mon Serge. Oui! Mais tu pleures? Ben, pas encore, là. Non, mais tu pleures? Non, pas encore. Mais tu vas pleurer, Jean-Marc. Occupe-toi de lui. Frappe-le, il va pleurer. Frappe-le. Oui, aïe donc. Mais tu pleures? Aïe donc. Non, je pleure pas, mais j'ai perdu deux dents. Alors, tu as perdu deux dents? Oui. Alors, tu vas pleurer? Ben là, non. Sinon, on t'en casse deux autres. Oh, j'ai pleuré. Alors, tu pleures? Oui, je pleure. Tu pleures, mon Serge? Ben oui, je pleure. Je crache aussi mes deux dents. Oui. Ça n'a pas été là-bas. Ben là-bas où? Au Québec. Oh non, au Granada. Dis pas le Granada, toi c'est le Québec. Le Québec. Ça n'a pas été au Québec. Ça n'a pas été. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces Québécoises à t'arracher ton linge, mon Serge? Tu n'es pas comme Givenchy, tu n'es pas comme le Squidgy, tu n'es pas comme Alice Roby. Ah, Serge, le titre. Non, on ne dira pas le titre, on va dire la première phrase de la nouvelle de Bukowski. C'est tout à commencer par deux ou trois réunions chez Joe Higgins. Ben oui, c'était comme une conférence, là. Ces conférences-là là, étaient impromptues, c'est-à-dire qu'improvisées. On ne savait pas quand, comment, à quel endroit. Mais oui, on savait à quel endroit, c'était chez Joe. Là, quand on passait dans la rue, là, il y avait des gens qui disaient « On va chez Joe ». Non, on va chez Joe. Là, je regardais les Joe. Il n'y avait pas de Joe. Il n'y avait pas de fille. Il n'y avait aucun Joe qui se passait devant moi. Non, pas les Joe. Je dis, on va chez Joe. Oh, on va chez Joe. À quelle heure? À 21h30. Oh, monsieur. Alors là, on se passait dans la rue. On dit, hey, tu vas chez Joe à 21h30. Alors là, tout le monde allait partout en disant, c'est où chez Joe? Personne ne savait où c'était où chez Joe. Puis à un moment donné, on se rend compte que dans la 14e avenue, au coin de Central Park, à New York City, l'édifice s'appelait, bien sûr, le Joe Higgins. Le Joe Higgins, c'était un merveilleux, c'était chez Joe Higgins, un bar, un grand bar, un bistrot bar, où on pouvait on débarlait, là. Hey, je sais, et puis là, toutes les serveuses, les jeunes demoiselles qui nous servaient, il n'y avait pas de monsieur, les messieurs étaient au bar, puis là, ils parlaient d'Aristote. L'Aristote, hein, on l'entendait, tu, Aristote? Tout le monde, hein? Platon, la pré-aristocratie. Oh, c'était merveilleux. Puis là, quand on arrivait à Jean-Paul Sartre, c'était elles sont des toilettes. Là, on disait, mais non, va-t'en là-bas, là. Puis là, Jean-Paul Sartre, le grand succès de Jean-Paul Sartre, hein, au bar chez Joe Higgins. À un moment donné, c'était juste pour hommes, ou presque. Il y a la belle Simone. La Simone de Démon. Elle s'appelait Simone de Démon. Elle avait besoin d'affection. Tout le monde voulait lui donner de l'affection. Elle avait l'air à en demander, là. Ah, je veux de l'affection. Ah, je veux de l'affection. Oh, elle voulait aussi des frictions. Alors, tout le monde la frictionnait. C'était merveilleux. T'as bien ça une partouze. Une qui? Une partouze. Une parpouze. Non, il n'y avait pas de parpouze, là. Il n'y a pas de bardouze. Bardo était pas là, là. Non, c'est... C'était une fête entre amis intimes. Oh. Peut-être, je sais pas, là, mais c'est... M'entends-tu? Oui, hey, attends, là, monsieur. Je suis tombé au fond du micro, là. Hey, là, attends un peu, là, on parle de partout, là, de Joe, chez Joe Higgins, là, puis là, t'es encore coincé dans le micro. Si t'as été depuis à peu près 1h15 là-dedans, là, tu peux rester. Ça fait pas 1h15, ça fait 1h10. Si t'as été pendant 1h05 là-dedans, arrête de diminuer. 1h02, oh, 1h, oh, 58. Roger, 4. 3, 2, 1. Les voir. OK, hey, non, mais si t'as été là-dedans aussi longtemps, là, tu vas y rester, puis là, on défera pas le micro, puis on ne défraiera pas aussi toutes les revues de... Comment t'appelles ça? Non, les revues Mondaine. Mabedaine. La Mabedaine, là, on veut pas... Non, c'est Mondaine. Mabedaine, Mondaine, Laribo, le pipo, on s'en... Alors, donc, le titre du livre du recueil... On se recueille quelques secondes, s'il vous plaît. On respire par la muse, luce, peux-tu? Oui, luce est là. On respire par luce et on dit que le titre, c'est « Vie et mort d'un journal underground ». Dans les vitrines, les magazines, maudit que le monde est beau. Dans les annonces de Roberto, Colin, que le monde est beau. Quand il va chercher son Oscar. C'est vrai que le monde est beau, mais c'était pas la chanson. Ben non, c'était pas lui. On va l'entendre, faites-vous-en pas, là. Préparez vos oreilles, c'est la même chose. Ben c'est pas la même chose, c'est une autre chanson. Mais c'est dans un autre moment, là. On sait pas. Hey, vois-tu là? Bistrot, oui! Veux-tu lâcher la chanson que tu veux pas dire? Oui. Puis laisser celle qu'on veut venir. OK, elle va venir. Laisse venir. la chanson qui répond à son nom. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, mademoiselle. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Non, Georgette. Je t'inventerai. Non, Sandrine. Des mots insensés. Non, Maryse. Que tu comprendras. Non, Chloé. Je te parlerai. Non, Sylvie. De ces amants-là. Non, Joanne. Qui ont vu deux fois. Non, Dorothée. Leur cœur s'embraser. Dorothée. Je te raconterai. Dorothée. L'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan. Cacharella à te regarder dans ses sourires. Non, me quittez pas, non, me demas. À t'écouter, chanter et rire. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais non, ne me quittez pas, non, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Yeah! J'appelle le téléphone. Appelle-le pas, il est déjà là. Et il répond? Il répond parce qu'il y a Gaston qui est au téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Gaston, les gens n'ont pas entendu tes éternuements. Sauf sur la bande vidéo. Oh non, ils ont vu, mais ils n'ont pas entendu. Le son s'est coupé. Le son s'est coupé comme le monde entier devant. Oh non, pas. Il va le refaire. Non, ça c'est comme. Je sais pas pourquoi quand je rentre en onde, je suis allergique. Suis-je allergique à vous, mes amours, mes amours? Suis-je allergique à vous, mes amours, mes amours? Pouvez-vous expliciter votre réflexion? Ben là, c'est une réflexion surtout au niveau des voies respiratoires et du nage. Ça chatouille l'intérieur. Puis là, je crois que je vais refaire... Bon, c'est un grand succès, là. J'appelle le téléphone... Ça fait quatre fois, trois fois. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons... doit-on couper? Non, on continue. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Oh non, pas encore. Encore. Ah, c'est pas vrai. On est tenté. Tenté! On aimerait... OK. On avait, excusez-moi si je renifle en direct, mais on avait demandé qu'elle se manifeste. Et je crois que ça se fait à cet instant. Doit-on passer une chanson? Non, non, on continue. OK. Là, j'ai les yeux qui larmoient. Les gens qui nous regardent à la télévision, ils ne se sentent pas très, très bien. C'est pas vrai. On n'a pas coupé le son. Doit-on passer? Non, on va se la moucher. On se la mouche-tu? On continue. J'appelle le téléphone. Arrête, tout le monde le sait. Ben oui, mais là, ça va pas très bien. Là, j'ai des chaleurs, j'ai la nausée au niveau du nez. C'est pas la nausée. C'est les érables qui coulent. Ah, mon, on va passer à quelque chose de musical, je crois, parce que on va prendre le temps. Le temps de quoi? Le temps de revenir en pleine forme au niveau, je sais pas, de... Ça me chatouille! Qu'est-ce qui te chatouille? C'est pas le temps de le dire en ondes, là. Faut, on va passer quelque chose. Puis je pense qu'on l'a déjà entendu, mais c'est pas important. Ben oui, c'est important, mais on l'aime, celle-là. Elle est vite, elle est précise et elle veut dire ce qu'elle veut dire. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener... Par un beau dimanche au soir, en allant me promener, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Dans den la riden, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Si elle était à marier. Dans den la riden, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, madame Adali, Non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Avec son haleine, il pourrait me piquer. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Sa gamelle aussi par terre, moi tout ça mon métier. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Sa gamelle aussi par terre, moi tout ça mon métier. Par ce métier-là, je me serais marié. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Ah, pour ce métier-là, je me serais marié. Avec les plus belles filles qu'il y avait pas dans le quartier. Dans den la riden, matapadali mato, matadalou, malimato, matapadali mato, matadalou, la ridée. Dans den la riden, l'antenne, la ridaine, matapatali, matou, maladalou, malimatou, matapatali, matou, maladalou, la ridaine. Avec la plus belle fille qu'il y avait pas dans le quartier. Avec la plus belle fille qu'il y avait pas dans le quartier. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés, d'antenne, la ridaine, matapatali, matou, matadalou, malimatou, matapatali, matou, matadalou, la ridaine. D'antenne, la ridaine, matapatali, matou, maladalou, malimatou, matapatali, matou, maladalou, la ridaine. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Comme un jour aussi, que je ne peux vous nommer, d'antenne, la ridaine, matapatali, matou, matadalou, malimatou, matapatali, matou, matadalou, la ridaine. J'appelle le téléphone. Pour ce numéro d'improvisation, utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons... L'amour! Oh, peut-on parler à l'amour? Oui, mais attendez, avons-nous le canal? Le canal, ou le canal, oui, attendez. Le canal de l'amour? Ah, le canal, l'amour, avons-nous, attendez, là, c'est, ça se fait ici. L'amour? L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, oh, oui, qui? L'amour, non, oui, non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, l'amour comme ça, là, ça, non, ça ne fonctionne pas. L'amour? L'amour? Ok, l'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. L'amour. La. La. La. La. Oui, c'est ici que ça se passe. L'amour. Oui, l'amour. Avons-nous le téléphone de l'amour? On va le prendre. On l'a ici. Ok. 4, 3, 2, 20. Je te demande, hey, on est dans le soubresaut de Mme Thibault. Ben oui, mais c'est ma petite cabine secrète. Ouais, la cabine. On aime bien ça, cette cabine-là, mais dis-moi, la babine, où est la cabine? Ben, elle est là, t'es devant! T'es assis dessus, j'étais assis sur la cabine. Non, mais t'es à l'intérieur de la cabine. OK, vous avez mis un banc en plein milieu de cette cabine. Ben oui. Puis la babine, ben la babine est dans la cabine. La babine est dans la cabine, bolabou, la boule, la babine, j'ai appris la mort. Et puis peut-être on doit lui rendre hommage maintenant. Même si ça fait quelques semaines, quelques semaines. Ça fait pas un mois, une semaine, là. Analyse-moi ça, mon Jean-Marc. Une semaine, c'est-tu un mois? Ben, 4 semaines. 4 semaines. Oui, et puis moi, là, je suis né. On veut pas savoir quand t'es né. Ben, moi, je suis né. Je suis pas né. OK, t'es pas né. Mais Jérôme Lemay, qui est un chanteur, un humoriste, un imitateur québécois, il avait oublié l'imitation... Ou peut-être qu'il ne l'avait plus vraiment au fond de la gorge, mais dans les années 80-90, j'avais acheté un album, un vinyle de Jérôme Lemay, et il reprenait des trucs intéressants, entre autres une chanson qui sonne un peu comme ça, là. Un Canadien anglais en voulant voyager. Puis là, il faisait plein de personnages. C'était vraiment très, très bon. J'ai plus l'album, j'ai plus le disque, mais Jérôme Lemay est dans ma tête. Il est décédé d'un cancer fulgurant à l'âge de 77 ans. Alors, Jérôme, un autre qui part, un autre rigolo, comme bien d'autres, comme Raymond DeVos, comme... Raymond DeVos et Raymond Queneau et Raymond Quenet, et on est très peinés et on se souhaite une meilleure finalité que lui, quoi. Mais il a souffert rapidement sans toi. C'est-tu intelligent de dire ça, qu'il a souffert rapidement? Il a souffert tout là qu'il s'y fait, qu'il a souffert sans tout cela perdre l'histoire. Là, on va appeler l'amour, là, puis arrête de souffrir. Ben ouais, mais l'amour, c'est une souffrance aussi! Ça n'est pas pour qui, là? Combien de femmes t'as eu dans ta vie, toi? Tu parles à qui? À Borbette Bibeau. À Borbette... Non. À Rita Bibelot. Rita Bibelot. Rita? Oui. Rita? Oui. Cache-nous rien, Marita. Je ne cache rien. Je ne fais que tourner ma sauce à spaghetti. C'est pas elle qui tourne, là, Rita. Comme depuis quand tu fais de la sauce à spaghetti? Ben, j'ai appris ça de Mme Tremblay, de Mme Thibodeau, ben, elle m'a dit « Tourne, voilà le bonheur! » Oh, « Tourne! » Elle s'appelle là. Madame, attendez, elle a dit « Tourne, voilà le bonheur! » Ben oui, c'est le bonheur, tourner. Tourner en rond? Ben, au niveau de l'amour, là, on tourne, hein, comme la sauce à spaghetti. Oui, mais comme la sauce à spaghetti, votre amour est-elle épicée? Oh, très épicée. Le matin, là, moi, je vais épicer rapidement. Oui, OK. Et le soir, on va épicer avant de faire dodo. OK, alors c'est très épicé. Ah, c'est très épicé. Et puis au lit? Ah, au lit, ça dort comme ça s'endort. Ça dort comme ça s'endort. Oui, monsieur. Alors donc, l'amour, où est-elle? L'amour, où est-il? L'amour, où est-il? L'amour est mort. N'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Alors donc, est-ce qu'on peut appeler l'amour? Est-ce qu'il faut chercher le numéro de l'amour? Quel est son sosie Osborne? Comment on peut faire pour la communiquer avec ça? C'est très simple. Regarde, c'est écrit ici. Oh, OK, oui. Alors, non, je dis pas OK, oui. Je dis, ah oui, OK, oui. OK, oui. D'accord, oui. Ah oui, c'est sublime, je vois. OK, alors, est-ce que ça sonne? Ben, j'ai pas fini de signaler, moi, là. Écoute, c'est très loin, ça, l'amour, là. Ça vient pas de la terre, ça vient de l'Obalaz. Oh, mon dieu, pas encore, non. Mais ben, enfin, d'ailleurs, qu'ici? Oh, mon dieu, ici? Ici, c'est pas l'amour. Oh! C'est la guerre. Tellement la guerre, là, que je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on fait l'amour, on fait la guerre. Comment ça? Mais ben, quand tu fais la guerre, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, moi, je fais attention pour pas me faire, tu sais, je veux pas me faire tuer. Oui. Alors, quand tu veux pas te faire tuer, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me protège. Oui. Pour pas me faire tuer. Ben voilà. Alors, quand tu fais l'amour, est-ce que tu te protèges? Je me protège. Tu veux pas te faire tuer? Ben non. Alors, c'est pas l'amour. Ben voyons donc. On nous dit que la maladie transmise oralement, publiquement, socialement, délicatement, et puis sous-bassement, sous les soutifs, et sous... il faut se protéger. Alors, c'est pas l'amour, c'est la guerre. Oh mon dieu, on fait l'amour, pas la guerre. En avant, pas par en arrière. OK, on va appeler l'amour. On a le mieux. Madame Tremblay, signalez-vous, là. On vous paye pas pour rien. On me paye pas. Ben, on vous paye pas, mais signalez. Je signale. OK. Je vous signale que j'aimerais avoir... Non, signalez rien. Signalez le numéro de téléphone, c'est assez. OK. C'est assez, c'est pas le poisson. Non, on va pas rien savoir du poisson, c'est assez. C'est... Signalez-moi ça. On vous signale. Oh, d'accord, merci. Et coupez la sonnerie, on veut pas... Il y aura pas de sonnerie. Oh, vous êtes... Je suis insonore. Ben, on vous entend. Oui, merci. OK. On est allé... On est allé... Allô, l'amour? L'amour? Attendez. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? L'amour? OK, il n'y a pas de... Oui, OK, c'est ici. Oui, madame, allô? Comment ça? Oui! Oui! Merci! On a eu des petits problèmes de communication. Oui, mais malheureusement, à cette émission aussi, on ne peut pas t'entendre. OK, ça va bien? Oui. Oui, c'est rénal, oui. Hey, je fais errance rénal, oui, rénaldienne depuis 7 ans, oui. L'amour, ben j'espère que elle est dans cette émission. Ah oui! Merci, merci. OK. Et puis, attendez, là, est-ce que je peux te tutoyer? Merci. L'amour, les gens veulent savoir pourquoi, premièrement, là, je suis excité, là. Ouais. C'est rare, oui, je sais. Parler avec en direct. Hey, pourquoi les gens, lorsqu'ils se font tirer, pas l'amour, mais ils se font tirer les cartes, le côté inconscient, tout ce qui n'est pas scientifique, la première phrase, là, c'est l'argent, l'amour, est-ce que je vais trouver l'amour? Comment ça, t'es difficile comme ça à rejoindre? Donc, les gens n'ont pas le numéro de téléphone? OK. Oui, mais... Okay. Ah, c'est vrai, les gens... Ouais, pardonne-moi, parce que je dois traduire, là. Mais en fait, traduire, parler ce que tu... Les gens comprennent pas. Oui, ben, t'as entièrement raison. Les gens savent pas où trouver l'amour. Quelquefois, c'est très près, c'est à côté, c'est... on se ferme rapidement. Puis toi, t'es là à chaque coin de rue, à chaque mot, à chaque phrase, à chaque signe. Quand les gens t'envoient c'est l'amour. Ah oui, mais tu trouves pas que c'est quand même une vision un peu ouverte vers n'importe... Oui. Oui, c'est vrai. Oui, on se oui, OK, attends, je vais traduire. Les gens se referment, les gens veulent pas voir ce qui se passe autour d'eux, surtout les petits signes, les affinités, les regards, les mots, surtout le c'est dans le rien que l'on OK, oui, OK, tu dis que c'est dans rien que l'on te trouve. Mais l'on te trouve quand, à quelle heure? Ton numéro de téléphone, on peut pas OK. Ouais. Ouais. Hey, l'amour. Excuse-moi, là, j'ai changé de dialecte, mais l'amour. Pour les gens là, qui sont en. Comme des mineurs de fond, ils te recherchent à l'intérieur pour te remonter à l'extérieur avec une grosse lumière dans le front. Là. Comment. À quoi tu ressembles, l'amour, là? Hein? Mais c'est bien de dire que tu as tous les visages. Non, non, non, non, mais je trouve que c'est pas hypocrite. Non, merci de ta part. Et puis là, oui, OK. Oh, oh, oh, alors l'amour doit nous quitter parce qu'il est en plein travail actuellement. Il y a deux couples. Oh, OK, alors merci. Merci l'amour d'avoir collaboré à Errance Rénaldienne. On se retrouve plus tard, oui. Oh, déjà, la communication a coupé. Mais c'était merveilleux. Merci de nous avoir parlé, l'amour, même si tu n'es plus là. Tu es comme un spectre, hein, tu nous entends partout. Et puis, ben, c'est ça. Il est partout. Il est là. Là, ici, maintenant. Dans les vitrines, les magazines, Maudit Clamond est beau. Dans les annonces de Roberto, Pauline Clamond est beau. Quand il va chercher son Oscar, Maudit Clamond est beau. Dans un décapotable de char, et Pierrette se trouve la nuit. Appelle la bicyclette tous les samedis. Jeans neuf et des faux trous, Maudit Clamond est beau. Pochette, café, bio, tisane, Colin Clamond est beau. En pleine campagne électorale, et Clamond est donc beau. À l'hôtel de ville de Montréal, les pierres se trouvent là. À fin de la bicyclette. Podcast, pas de tête, pas de pantalon. Colin Clamond est beau. notre dernier vidéo clip. Il commande des tombeaux avec sa chirurgie plastique. Mais Pierre se troublait à peine la bicyclette tous les samedis. Le topor juste dans le titre, c'est du topor. C'est vraiment du topor, le titre c'est déjà. Et c'est vraiment le monde de topor. Avez-vous vu le marquis de topor? Oui, bien sûr. C'est mon ami Claudie Ossard qui est. C'est un belge, quoi. C'est oui, je sais plus qui c'est. C'est Claudie Ossard qui l'a produit en tout mais cas. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment du vrai topor du début jusqu'à la fin. Oui. La musique de topor, les chansons de topor. Oui, donc c'est un génie. Un grand bonhomme. Et Jacques Richard a travaillé pendant très longtemps avec Topor. Donc c'est pour ça qu'il s'est accaparé ce scénario qui n'a jamais été fait. Et c'est vraiment l'œuvre intrinsèque de cet auteur. C'est pas oui, ça, peut être, c'est ça peut travailler, ça peut. Ça, ils ont non, ils ont travaillé ensemble, Jacques Richard et pour scénariser. Ils ont signé le scénario. Oui. Et là, et ça devrait Topor est parti. Sortir à Paris. Mais écoutez, j'espère que ça sortira à la rentrée. Alors nous à Noël, parce qu'il y a un décalage malheureusement avec les films. Bah, je ne sais pas très bien dans quel circuit ça va sortir. Okay. Mais en tout cas, j'espère qu'il arrivera à le montrer ou un peu. DVD. Ou en DVD, oui. Pourquoi pas le DVD. Oui. Croyez-vous qu'on a enlevé beaucoup de budget à la création, à l'art, depuis quelques années en France ou, On est dans une espèce d'État gouvernemental qui ne s'intéresse pas beaucoup à la culture. Non. Et qu'il y a... Est-ce que Sarkozy en marche Vous savez, quand on emmène sa femme, enfin sa future femme, puisqu'il n'était pas encore marié, d'une façon un peu visuelle pour le peuple, pour le monde, à Disneyland plutôt qu'à la Comédie Française, vous avez tout compris. Ouais. Hein, je ne sais pas, quand on est président de la République, je n'ai rien contre Disneyland et contre d'aller à Disneyland s'amuser. Néanmoins, il y a quand même une espèce de regard sur la culture, et que c'eût été plus intéressant que médiatiquement, il emmène sa dame au théâtre, au théâtre, même dans un petit théâtre ou à la Comédie Française, plutôt qu'à Disneyland, et d'en faire tout un tas. Ça va avec le côté bling-bling et le côté superficiel. Hein, superficiel. Thank you.

let me complicate you. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Dans le château symbolique de l'improvisation, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Madame Tremblay? Oui? Est-ce que c'est le mot ou le verbe? On cherche. Ben oui, voyons donc, madame, on aimerait savoir. Mais c'est le mot. OK, le mot boussole. On la perd, la boussole, régulièrement à cette émission aussi. Et dans notre société, régulièrement aussi, on arrive à faire déclencher la boussole. Comment ça? Ben, devant exemple. Example. Un petit... Pouvez-vous expliciter votre réflexion? Oui, répétitif. Tif. Tu te fais tirer les tifs. C'est pas de... Si tu t'en... On se souvient qu'à un moment donné, hein, on est dans une liste. Une liste d'attente. Ben, on attend. On est dans une liste comme une liste d'attente, oui. On est à la queue leu-leu. Oh, mon Dieu, quelle belle histoire. Non, la queue, mais elle est leu-leu. Oh, mon Dieu, plus qu'elle est leu-leu, moins elle est leuleuse. OK, plus elle est leu-leu, moins elle est leuleuse. Je viens te chanter la balade des gens leuleuses. Je viens te chanter la balade des gens leuleuses. On tient de dire que... Tati, est-ce qu'on peut... Tati, oui, merci Tati, Toto, Tito, OK. Notre vieille terre est une étoile, mais toi aussi. Tu brillais un peu, pas vraiment. Moi, j'étais dans la queue leu-leu. Oui, la queue leu-leu. On va te chanter la balade de la queue leu-leu. Alors, on est dans la queue leu-leu. Innocent comme la boussole, on tourne de tous les bords. On va là, avant à droite, la quatrième, la huitième, la cinquième caisse. On ne sait pas, tout est congestionné, puis on essaye d'analyser laquelle va plus rapidement. Puis là, mais moi, comme j'ai un cerveau plus minimaliste que tout le monde, là, moi, je me mets plus loin. J'ai 14 articles. Alors, je peux pas aller dans 12 articles et moins, puis je peux pas rassembler, exemple, deux bananes, 5 poires en disant c'est des fruits, puis non. Le prix des bananes, le prix des fruits, c'est différent. Des bananes, des oranges, c'est pas la même chose. Selon moi, là, écoute, pour la santé, là, c'est la vitamine C, la vitamine D, la vitamine... L'amphétamine, on aime ça, l'amphétamine. On aime ça, fait qu'on ajoute de l'amphétamine. Amphétamine C, B, D, G, D, G, G, D, G. J'ai des parts là-dedans, moi, là. J'aimerais ça que le monde se dise qu'à un moment donné, on doit pas tout attendre dans l'enfile d'attente. On n'est pas à Moscou. On n'est pas en Russie, on est dans des pays civilisés. Alors, on prend des caisses qui parlent. Des caisses automatisées, des épaisses électroniques. On a une grosse épaisse électronique qui est là, qui nous dit « Bonjour, monsieur, bonjour, madame. » Elle sait même pas notre sexe, là. Alors, pour le savoir, on doit rentrer ça dans la... On a l'engrenage, là. « Bonjour, mademoiselle. » Là, je dis « Mais non, je suis un monsieur, moi, là. Mademoiselle, madame. » Non, monsieur, là, je rentre ça. C'est monsieur. C'est trop petit pour que ça aille... On peut pas me comprendre, moi. C'est trop petit. Moi, j'ai la queue leu-leu, c'est trop petite. Je fais partie de 25% des anomalies humaines. Là, je veux pas la faire... Je l'aime de même, moi. Je suis né avec ça, puis je suis heureux de même, moi. C'est comme des gens à l'incapacité mentale. Plus t'es mental, moins tu le sais, plus t'es heureux. Moi, je le sais qu'elle est pas là, elle est là, mais elle est pas vraiment là. Puis quand je... Ça fonctionne bien, mais ça fait pas tout le temps l'unanimité. Ben, ça fait tous très souvent l'unanimité, mais devant des caisses, ça fonctionne pas. Parce que les caisses est une épaisse. Plus t'es épaisse, plus t'es une caisse. Jacqueline Troubadour, es-tu une épaisse? Oui, je suis une caisse. Alors, bon, on t'a reconnu, mais oui. On reconnaît toutes les épaisses à leur caisse, oui. Alors donc, quand on perd la boussole, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive ce que vous avez entendu. Cette nuit pour être toute seule avec lui. Depuis quelques années. Je ne crois pas, je suis sûr, parce qu'il y a beaucoup de théâtres, comme par exemple à Marseille, le Tour Ski, un endroit où j'ai beaucoup joué, souvent joué en tout cas, qui est un théâtre vraiment de, où on a fait un accueil de grande qualité. Il y a plein de gens formidables qui sont passés dans ce théâtre. Et comment s'appelle-t-il, Richard Martin, qui a fait plusieurs fois des grèves de la faim, que tout le monde a soutenu au maximum de ce qu'on peut faire, mais on lui a coupé ses subventions. Et dans beaucoup de maisons de la culture, de théâtres subventionnés, on leur a complètement coupé, diminué les subventions. Ce qui fait que, par exemple, à Marseille, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, on ne va pas jouer là-bas. Mais là, expliquez-moi, voilà. Moi, je vais au théâtre là, à partir de mardi jusqu'à vendredi avant de quitter. Pourquoi mes billets coûtent 11 euros et d'autres me coûtent 35 euros? Parce que vous devez aller dans des théâtres subventionnés. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi la différence, c'est le théâtre public. Si vous allez à la Colline, par exemple, ou au théâtre de la Ville, c'est les théâtres qui sont subventionnés. Donc, il y a des abonnements et les prix sont réduits. Parce que la subvention fait l'équilibre. Sauf qu'on est dans un gouvernement qui pense que cet équilibre culturel, c'est-à-dire c'est pour le peuple, c'est pour les gens de autour de nous, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'aller payer 90 euros. Quand vous allez voir La Cage aux Folles, qui est un théâtre privé, ça coûte 99 euros. Donc, ou 90 euros, ou 70 euros. Mais ça ne coûte pas 11 euros. bien, vous pouvez me laisser aussi votre commentaire, vos commentaires à Rénal de Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Nous avons un courriel. Nous avons aussi un site internet. Vous rentrez Errance Espace Rénaldienne. Jean-Luc, comment ça s'écrit Errance? Là, on a dépassé le temps. Non, mais comment ça s'écrit Errance? On a passé le temps. Le temps de dire, le temps que l'on sème, le temps que l'on dit Errance Rénaldienne. Donne-moi un verre de scotch pour faire fondre toute la slotch qui me gèle le cœur. Je voudrais pas rester seul, mais là, je me saoule la gueule. Plus je bois, moins j'ai peur. Je ne veux pas changer. C'est une blonde pour la vie ou pour une heure. Assis. Je creuse ma place à croquer dans une glace. Il faut que je rentre, il est 3 heures. J'ai marché toute ma vie. Soir, je tu me laisseras dans le désert. Mais oh, laisse-moi donc à prochaine lumière. Il faut que j'aille au dépanneur. Donne-moi un verre de slotch pour faire descendre le scotch qui me lève le cœur. C'est tout. Mais pourquoi un théâtre est subventionné et l'autre ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait en sorte ben c'est que... C'est des mondes un peu différents. Moi, j'ai travaillé dans les deux, aussi bien dans le public que dans le privé. Mais ce n'est pas les mêmes gérances du tout. Et puis, ce qu'on appelle le théâtre privé, souvent, et à tort, est considéré comme du théâtre de boulevard. Ok. Néanmoins, aujourd'hui, au théâtre privé, il y a du théâtre privé avec des choses extrêmement intéressantes. Là, je suis, par exemple, c'est très clair. Okay. Je suis en ce moment en train de jouer le mardi à Monoprix. Michel Dédim est directeur de la Manufacture à Nancy, qui était un théâtre public et donc subventionné. Et donc, je travaille dans le public, là. Je suis payé au mois, on va dire. Voilà. Et on fait un tabac, un succès, on fait une tournée, etc. Et puis, quand je suis en mois de septembre, je suis à Théâtre Ouvert, qui est un petit théâtre qui a une subvention, et je suis engagé par un théâtre public. Okay. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate. Comme de la